Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui l'histoire, l'affaire Anita Hill, le premier scandale de harcèlement sexuel aux États-Unis. He talked about pornographic materials depicting individuals with large penises or large breasts involved in various sex acts. On several occasions, Thomas told me graphically of his own sexual prowess. Le pays tout entier suspendu aux lèvres d'Anita Hill quand elle témoigne devant le comité des affaires judiciaires du Sénat américain le 11 octobre 1991. Anita Hill accuse son ancien patron, le juge Clarence Thomas, que le président des États-Unis, George Bush père, veut nommer à la Cour suprême. Elle l'accuse donc de l'avoir harcelé sexuellement. Dans son témoignage diffusé en direct à la télévision américaine, Anita Hill raconte entre autres que Clarence Thomas lui parlait sur son lieu de travail de films pornographiques qu'il avait vus en lui décrivant dans le détail la taille du sexe des hommes qui y apparaissaient. Le juge Thomas ne se serait pas privé non plus de décrire ses propres prouesses sexuelles à son ex-employé. Bien avant le mouvement Moi aussi, ce témoignage d'Anita Hill a eu l'effet d'un électrochoc aux États-Unis sur toute la question du harcèlement sexuel. My working relationship became even more strained when Judge Thomas began to use work situations to discuss sex. Ma relation de travail est devenue encore plus tendue lorsque le juge Thomas a commencé à discuter de sexualité dans le contexte même du travail. Après une brève discussion au sujet du travail, il pouvait détourner la conversation vers des questions sexuelles. Ses mots étaient très crus. Il parlait d'actes sexuels qu'il avait vus dans les films pornographiques, où des femmes avaient des relations sexuelles avec des animaux, ou encore des films dans lesquels on voyait des scènes de groupe ou de viol. Il a parlé de matériel pornographique représentant des individus avec de gros pénis ou de gros seins et qui pratiquaient divers actes sexuels. He talked about pornographic materials depicting individuals with large penises or large breasts involved in various sex acts. On several occasions, Thomas told me graphically of his own sexual prowess. À plusieurs reprises, Thomas m'a raconté dans le détail ses propres prouesses sexuelles. Comme j'étais très mal à l'aise de parler de sexualité avec lui, surtout de manière aussi détaillée, je lui ai dit que je ne voulais pas parler de ces sujets. I told him that I did not want to talk about these subjects. À nouveau, un extrait du témoignage d'Anita Hill devant le comité sénatorial des affaires judiciaires le 11 octobre 1991 pour nous raconter les tenants et aboutissants de cette affaire Anita Hill. Je retrouve avec grand plaisir Karine Prémont, collaboratrice régulière à l'émission, professeure à l'École de politique appliquée de l'Université de Sherbrooke. Karine Prémont, bonjour. Bonjour. Quelle importance ça a eu, cette affaire-là? On est bien avant l'affaire Weinstein, par exemple, mm-hmm. mais il y a un lien, on va le voir dans l'émission, mais quelle importance a eu cette affaire-là à l'époque aux États-Unis, Karine Prémont? Bien, ça a été un choc important pour la population américaine, pour la classe politique également, pour les médias, parce qu'à l'époque, dans les années 90, on n'est pas très habitué à parler de harcèlement sexuel, en particulier sur la place publique. Et là, soudainement, un personnage important en est accusé. Donc, avant même l'affaire Weinstein, effectivement, c'était le premier cas public de harcèlement sexuel au travail. Et effectivement, ça va mettre cette question-là à l'agenda politique aussi, oui. parce que là, les législateurs n'auront pas le choix de se pencher sur cette question-là, parce qu'on en voit les répercussions là, très clairement, de façon aussi assez dramatique. Donc, il y aura des lois, il y aura des mesures. L'entreprise privée va commencer oui. à adopter des mesures. Créer des formations, par exemple, en milieu de travail Exactement. Pour former les gens à cette question-là, tout à fait. Donc, petite révolution sociale. Revenons quand même sur le contexte actuel. On parlait de l'affaire Weinstein. On l'évoquait, cette affaire-là. On est à l'ère du mouvement, moi aussi. Quand on regarde dans notre contexte d'aujourd'hui, cette affaire-là, avec le recul, avec nos yeux d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce qui a changé, sur ce qui n'a pas changé? Je pense que ce qui a changé, c'est la tolérance que les gens ont à l'égard de cette question-là. Le harcèlement sexuel n'est plus vu aujourd'hui comme étant simple question personnelle entre des gens. Je pense qu'on en fait une histoire un peu plus importante. Mm-hmm. Mais en même temps, avec le recul, quand on regarde comment Anita Hill a été reçue par la population, comment d'autres cas plus actuels sont reçus également, on se rend compte que le regard porté sur les victimes de harcèlement sexuel, lui, a peu changé avec le temps. Et on continue à penser d'une façon ou d'une autre que, bon, on instrumentalise ce qui nous arrive. livre ou en tout cas qu'on l'utilise à des fins stratégiques. Il y a toujours ce doute. Pour quelle raison cette femme aujourd'hui décide de poser cette accusation-là? Ouais. Donc revenons au point de départ de l'affaire Anita Hill. Le point de départ de cette affaire-là, c'est la nomination du juge Clarence Thomas par George Bush père à la Cour suprême des États-Unis. Dans quel contexte il est nommé juge à la Cour suprême des États-Unis, Clarence Thomas? Ben, c'est essentiellement la retraite du juge Thurgood Marshall, qui était le premier Afro-Américain à être nommé à la Cour suprême. Il a été nommé par Johnson en 1967. Alors, il prend sa retraite. Alors, le président Bush, dans son bon droit, décide de nommer un autre juge, qui sera Clarence Thomas, qui est lui aussi Afro-Américain. Et donc, le président va faire cette nomination-là en juillet 91. Et c'est une nomination qui est déjà mitigée. Je dirais pas controversée, mais c'est une nomination qui suscite des réactions un peu partagées au sein des différents groupes de la société civile. D'abord parce que on pense qu'il a été nommé parce qu'il est Afro-Américain. Mm-hmm. On se dit, pour remplacer un Afro-Américain, on n'a pas le choix de nommer un autre Afro-Américain. Alors, ceux qui doutent un peu du processus se soulèvent cette question-là. Mais c'est surtout parce qu'il a très peu d'expérience comme juge fédéral. Oui. Ça fait seulement 16 mois qu'il a été nommé sur un tribunal fédéral. Il n'a jamais plaidé devant la Cour suprême des États-Unis. Et il a aussi des positions extrêmement conservatrices, notamment sur l'avortement et sur la discrimination positive également. Alors, les groupes de femmes et les groupes des minorités doutent un peu de sa capacité à faire avancer leur dossier. Donc, déjà un peu de contestation avant même qu'éclate l'affaire Anita Hill. Cela dit, quand on regarde un peu le processus qui conduit, parce qu'il va ultimement être nommé juge à la Cour suprême, il est encore aujourd'hui juge à la Cour suprême. Quand on regarde ce processus-là, on voit bien qu'il y a un avant quand même, il y a un après Anita Hill. Et au début, ça se passe plutôt bien. Le processus de nomination, là, jusqu'à ce que l'affaire éclate, ça ressemble à quoi, Karine Prémont? Ça ressemble à tout ce qui se passe habituellement dans ce genre de processus-là, c'est-à-dire qu'il y a des audiences devant le comité sénatorial qui juge du dossier, en fait, qui va donner une recommandation, en fait, à l'ensemble du Sénat. Donc, ça se passe plutôt bien. En septembre, le comité fait ses affaires. Il est présidé, ce comité, par Joe Biden, qui est alors sénateur démocrate du Delaware, qui deviendra vice-président sous Barack Obama. Mm-hmm. Donc, c'est lui qui préside ce comité sénatorial. Et donc, l'affaire va bon train. Il faut dire que les démocrates contrôlent les deux chambres législatives aux États-Unis. Mais malgré ça, on est assez confiant de faire entériner la nomination de Thomas, essentiellement parce que le président Bush a fait le calcul suivant, c'est-à-dire que les démocrates ne refuseraient pas d'entériner la nomination d'un Afro-Américain, quel qu'il soit, même s'il a des positions plutôt conservatrices. Alors, c'est exactement ce qui se passe. Le processus fonctionne normalement pendant tout le mois de septembre, à tel point que le comité va faire sa recommandation au Sénat en disant « nous entérinons cette nomination ». Mais survient cette affaire quand et comment éclate l'affaire Anita Hill dans les médias? C'est une fuite dans les médias, essentiellement la radio NPR, National Public Radio, et le magazine Newsday qui vont révéler qu'une femme, accuse Thomas de l'avoir harcelée sexuellement au travail. Elle était à son emploi dans les années 80 et qui, le 6 octobre, se retrouve projetée sur la scène publique, en fait. Et là, elle fera une conférence de presse pendant une heure pour expliquer sa position, pour régler un peu tout ça. Évidemment, c'est une avocate, c'est quelqu'un qui a une grande crédibilité, c'est quelqu'un qui s'exprime très bien. Alors, son témoignage est tout à fait crédible. Il impressionne les gens qui l'écoutent. Et ça va mobiliser beaucoup de groupes de femmes également autour de Anita Hill pour faire porter cette cause-là devant le comité sénatorial en charge de la nomination de Thomas. Et donc, ça va ébranler un peu les colonnes du temps, comme on dit. Quelle réaction? C'est une bombe, une petite bombe. Le 6 octobre, on apprend ça. C'est du jamais vu dans le milieu politique de Washington. Quelle réaction ça suscite, cette affaire-là, au moment où éclate l'affaire? Ben d'abord, on ne sait pas trop quoi faire avec ça dans les milieux politiques de Washington. Le président Bush, lui, aura une position plutôt conservatrice, c'est-à-dire, c'est essentiellement sa parole contre sa parole. Alors, les accusations ne semblent pas suffisamment sérieuses pour que ça justifie de retirer la candidature. Alors, la Maison-Blanche va rester sur sa position. Mm-hmm. Les groupes de femmes se mobilisent également. Et l'opinion publique, elle, sera plutôt dubitative parce que on se dit, pourquoi maintenant? Pourquoi on entend parler de cette affaire-là alors que le processus achève, en fait? Donc, il y a toutes ces questions-là aussi que les médias vont mettre à l'avant-plan. Et ça va aussi heurter Anita Hill parce qu'on va, en fait, lui rentrer dedans, bon québécois. Là, on va remettre en doute son témoignage de différentes façons. Il faut dire aussi, Karine Prémont, qu'avant que l'affaire ne sorte publiquement, on commence à savoir à Washington que, en fait, Anita Hill a hésité et accepté finalement de témoigner, mais à huis clos. Exactement, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas Anita Hill qui est sortie pour dire « j'accuse Clarence Thomas ». C'est un de ses amis d'enfance qui a alerté le comité présidé par Joe Biden en disant « Thomas a des squelettes dans le placard, il a harcelé sexuellement des femmes en milieu de travail ». Et c'est le comité qui va rejoindre Anita Hill. Au début, elle va refuser de témoigner, elle va refuser de participer. On la convainc à force de pression de le faire en lui rappelant l'importance de son témoignage. Elle le fera, elle veut rester anonyme. Elle ne veut pas porter d'accusation criminelle contre Thomas, mais c'est la pression politique, en fait, qui va faire en sorte qu'elle sortira publiquement. Donc, depuis septembre... Il y a une enquête, là. Enquête, parce que Joe Biden va demander au FBI de faire enquête, va aviser la Maison-Blanche également. Tout ça sans que l'opinion publique le sache. Exactement, encore ça de se quoi passe en il septembre. En retourne. Ouais. Donc, ça se passe en septembre. Et va refuser, Joe Biden, à la lumière de tout ça, parce que le FBI rend son rapport le 25 septembre. Et essentiellement, ce que ce rapport dit, c'est Thomas nie tout. La Maison-Blanche maintient la candidature. Et Biden, lui, est pressé d'en finir avec cette affaire-là parce que la session de la Cour suprême recommence le 7 octobre. Alors, il veut absolument entériner cette nomination-là avant le 7 octobre. Mais arrive donc cette affaire, l'éclatement de l'affaire le 6 octobre. Et là, on entre dans le jeu politique. Évidemment, on est dans la capitale américaine, au cœur du pouvoir aux États-Unis, à Washington. Les républicains, très, très vite, vont crier à la manipulation politique dans cette affaire-là. On dit qu'on s'est servi d'Anita Hill, au fond, pour nuire à la nomination du candidat du président Bush à la Cour suprême. Je vous propose d'écouter à l'époque, il faut se replacer dans le contexte de l'époque, la journaliste Joelle Attinger, qui est à Washington, qui nous parle du caractère politique de l'affaire Anita Hill à l'émission Les Actualités. Le 9 octobre 91, on est trois jours seulement après l'éclatement du scandale. Pourquoi est-ce qu'on a attendu 10 ans pour écouter ça? Il y a autour de la nomination de Judge Thomas, bien avant ces allégations, c'est une nomination qui a été politique dès le premier abord. Le vote pour sa confirmation par le Sénat devait avoir lieu hier. Le fait qu'on a su que ces accusations existaient 48 heures avant le vote pose vraiment de vraies questions. Quelles sont les motivations pour lesquelles on a entendu ces charges si tardivement dans la procédure de confirmation par le Sénat? Je crois que la question d'harcèlement sexuel est une question très, très importante. Mais je crois qu'il faut être clair dans tout ça. Que l'harcèlement sexuel n'est pas en fait ce que le Sénat est en train de débattre. Le Sénat est en train de débattre Clarence Thomas. Et que, à la dernière minute, vous avez cette charge qui, en fait, qu'elle soit vraie ou non, n'est pas aussi importante que le fait que le procès de confirmation a été teinté par la politique partisane à la fois des démocrates et des républicains. C'est intéressant ce qu'on vient d'entendre. Il faut replacer ça dans le contexte, évidemment. On est en octobre 91. Joelle Attinger est journaliste à Washington. Elle baigne dans ce milieu. Sa vie, c'est de décrire le jeu politique, mais c'est quand même intéressant. Avec le recul, Karine Prémont, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette question de manipulation politique dans l'affaire Anita Hill? Jusqu'à quel point ça a été présent, ça a joué? Mais d'abord, ce qu'il faut mettre au clair, c'est que la manipulation politique ne venait pas d'Anita Hill. On se rappelle qu'elle ne voulait pas témoigner, qu'on l'a un peu forcée à le faire et qu'elle s'est retrouvée, bien malgré elle, sous les projecteurs. Maintenant, il est clair qu'il y a eu récupération politique parce qu'on l'a dit au début de l'émission, les démocrates étaient un peu coincés avec cette nomination-là qu'ils n'approuvaient pas. C'est un juge très conservateur sur des positions sociales qui leur tenaient à cœur. Mm-hmm. Alors là, soudainement, arrive cette affaire. Alors pour eux, c'est une porte, c'est une issue. Une manière de les disqualifier. Exactement. Donc, c'est une façon, justement, de contourner un peu le problème en disant, ben, moralement, éthiquement, cet homme-là n'est pas à la hauteur de la tâche. Ouais. Cette affaire-là crée une... Puis on peut bien l'imaginer... C'est vraiment une petite bombe politique. Ça devient une petite bombe politique. Ça prend une telle importance que le comité des affaires judiciaires, le rapport avait été remis aux sénateurs. Mais avec ce qui se passe, avec la révélation du scandale de l'affaire Anita Hill, on décide de convoquer à nouveau les audiences pour la nomination du juge Thomas à la Cour suprême. On convoque Clarence Thomas à nouveau. On invite Anita Hill à venir témoigner. Comment ça se déroule, ces audiences? Mais en fait, d'abord, ça va se passer le 11 octobre 1991. Ce sera télédiffusé. Donc, les témoignages de ces deux personnes seront télédiffusés en direct pendant une vingtaine d'heures au total sur 2 jours. Et d'abord, ce sera Clarence Thomas qui, évidemment, nie vigoureusement toutes les accusations qui sont portées contre lui. Il met surtout l'accent sur l'impact négatif que ces accusations ont sur lui, sur sa famille, sur le travail qu'il fait depuis des années. Ensuite, on entend Anita Hill. Le témoignage est très détaillé. On l'a entendu en début d'émission. Je ne répéterai pas tout ça, mais elle fait vraiment état de nombreuses invitations qu'elle a dû décliner. Elle fait état de ses conversations très sexuelles qui la mettent profondément mal à l'aise et des commentaires déplacés que lui fait Thomas. Et on va ensuite reconvoquer Thomas. Et on l'écoute justement, un extrait assez révélateur sur la stratégie qu'il va adopter. Il est en colère quand il revient témoigner en soirée. The Supreme Court is not worth it. No job is worth it. I'm not here for that. La Cour suprême n'en vaut pas la peine. Aucun emploi n'en vaut la peine. Je ne suis pas là pour ça. Je suis ici pour honorer mon nom, ma famille, ma vie et mon intégrité. Je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ce pays. C'est un cirque, une honte nationale. And from my standpoint, as a black American, as far as I'm concerned, et de mon point de vue de noir américain, je considère que nous assistons ici à un lynchage de haut vol pour bloquer les noirs de qualité qui daignent penser par eux-mêmes, pour eux-mêmes, et qui osent avoir des idées différentes. Le message est clair. À moins que vous ne vous prosterniez devant un ancien ordre, voilà ce qui vous arrivera. Plutôt que d'être pendu à un arbre, vous serez lynché, détruit et caricaturé par un comité du Sénat américain. By a committee of the U.S. Senate, rather than hung from a tree. C'est très habile ce qu'on vient d'entendre. Et clairement, dans sa réponse, Clarence Thomas décide de jouer à la victime. Il dit « Je suis victime de discrimination raciale. C'est du lynchage high-tech », dit-il dans cet extrait-là. Qu'est-ce qu'il veut faire à ce moment-là, quand il témoigne et quand il joue cette carte-là? Lui aussi fait de la récupération politique d'une certaine façon, fait de la manipulation politique également, parce que en même temps, il faut se remettre dans le contexte, c'est-à-dire que les années 90, les années 80-90, on ne considère pas ce genre de comportement comme étant particulièrement grave par rapport à d'autres comportements. On est bien sûr que le harcèlement sexuel, depuis les années 70, on en parle, mais il n'y a pas encore de loi, il n'y a pas encore de système mis en place pour contrer ou à tout le moins prévenir ce genre de comportement. Alors, il se dit, ben écoutez, là, on veut juste détruire ma carrière. Il doit laver son nom aussi. Il doit se présenter comme étant quelqu'un victime d'une vengeance particulière parce qu'il joue sa carrière politique et sa réputation. Et donc, c'est le noir qu'on ne veut pas voir à la Cour suprême. Exactement. C'est un peu ça la carte qu'il joue. De fait, comment réagit la communauté noire dans toute cette affaire-là? La communauté noire va s'en prendre à Anita Hill, comme beaucoup d'autres groupes au sein de la société, parce qu'on considère que la cause afro-américaine est plus importante que le genre. Et c'est la même chose chez les Blancs par ailleurs. Ouais. Le genre, à l'époque, les enjeux qui touchaient spécifiquement les femmes, encore une fois, dans les années 90, n'étaient pas nécessairement considérés comme étant très graves. On considérait qu'il y avait des causes plus nobles, ou en tout cas supérieures à ça. Et la cause du mouvement civique, des droits pour les Afro-Américains et de ces causes-là. Alors, on va beaucoup la critiquer en lui disant « Tu fais ralentir, en fait, l'avance de notre programme et tu empêches un Afro-Américain d'accéder à un poste de pouvoir. Ouais. » Elle sera critiquée beaucoup pour ça. Ce qui va la blesser, d'ailleurs, ce qui va la blesser profondément. Oui. Elle va aussi subir un traitement. Les questions qu'on va lui poser pendant les audiences, avec le recul, c'est aujourd'hui impensable. Quoique, mais effectivement, on lui demande pourquoi vous n'avez pas dénoncé avant, pourquoi vous n'avez pas tout noté ce qui s'est passé au fur et à mesure où ça s'est passé. Vous êtes avocate, vous savez qu'il faut prendre des notes dans ce genre de dossier-là. Est-ce que vous n'auriez pas un peu le syndrome de la victime également? Pourquoi vous avez continué à travailler pour lui? Et d'ailleurs, on va rendre public les appels téléphoniques du juge Thomas après le départ d'Anita Hill pour démontrer qu'elle a continué à lui parler après. Elle l'a appelé à quelques reprises dans les années qui ont suivi. Ce qu'on n'a pas dit, c'est que le métier qu'elle exerce fait en sorte qu'elle doit communiquer avec certaines personnes en particulier. Alors, c'était pas nécessairement des appels personnels, mais donc, on l'a critiqué, on l'a humilié aussi dans les émissions de fin de soirée, par exemple. Donc, elle est devenue la risée, en fait, de beaucoup de groupes. Et les sénateurs vont finalement voter en faveur de la nomination de Clarence Thomas comme juge à la Cour suprême. On écoute un extrait du reportage de Jean-Michel Leprince le jour du vote, le 15 octobre 91, suivi de la réaction de Marie-Josée Ragab de la National Organization for Women à l'émission Le Point du 15 octobre 91. The yeas are 52 and the nays are 48. Ça a été juste, 52 à 48. Robert Byrd, sénateur démocrate mais partisan du juge au départ, a changé d'avis. I believe Anita Hill. Il a cru en Anita Hill comme beaucoup de républicains aussi. Mais ceux qui avaient des réserves ont préféré donner le bénéfice du doute au juge Thomas, comme Charles Grassley, républicain de l'Iowa. Judge Thomas stands accused, but he need not prove his innocence. L'ennui, c'est l'énormité des conséquences pour le pays si, par hasard, le menteur était le juge Thomas. The Supreme Court will be living with it, and the nation will be living with it for the next 30 or 40 years. Cet homme-là, laisse entendre le sénateur Ted Kennedy, démocrate, pourrait bien siéger à la Cour suprême pendant 40 ans. Nous sommes convaincus que Anita Hill disait la vérité. Et nous sommes convaincus que quelque chose s'était passé entre eux. À quel degré, personne ne le saura jamais. Mais quelque chose s'était passé entre eux. Elle était très sincère. Oui, mais ce qui se passe actuellement... Nous l'avons cru. Ce qui se passe actuellement, c'est que la plupart des Américains croient le juge et ne croient pas Anita Hill. Elle passe donc pour une menteuse aux yeux de la plupart des Américains. C'est très partagé, parce que vous savez ce que nous avons observé aujourd'hui, hier, mais particulièrement aujourd'hui, c'est qu'il y a un grand pourcentage d'hommes américains qui eux-mêmes sont coupables de harcèlement sexuel. Et bien sûr, ces messieurs, automatiquement, se défendent eux-mêmes en défendant le jugement, en disant « bon, c'est impossible, elle a menti », parce qu'ils ont déjà cette expérience dans leur vie propre. Mais les femmes aussi croient qu'Anita Hill a menti. Les femmes sont relativement divisées, dans le sens où les femmes qui n'ont pas eu cette expérience dans leur vie ont du mal à imaginer que quelque chose comme ça puisse prendre place. Vous avez aussi des femmes qui ont eu cette expérience il y a 15 ans, il y a 20 ans, il y a même 25 ans, et qui ont tout à fait oublié ce genre d'événement parce que c'était trop pénible, c'était trop dur. Et nous avons des appels, nous avons des centaines d'appels de femmes en larmes qui nous disent « j'avais oublié, c'est vrai, quelque chose comme ça m'est arrivé il y a 20-25 ans ». Alors comment réagissent les milieux politiques, la population américaine, Karine Prémont, quand le juge Thomas est confirmé comme juge à la Cour suprême? En fait, l'opinion publique est assez satisfaite dans la mesure où, comme on vient de l'entendre, même si elle est plutôt divisée, la plupart des Américains doutent qu'un juge ose se parjurer devant le Sénat. Alors, on accepte en fait que c'est Anita Hill qui aurait voulu manipuler un peu le processus. Les répercussions sociales vont être plus larges parce qu'on va voir une augmentation considérable des plaintes pour harcèlement sexuel après le témoignage d'Anita Hill. On l'a dit tantôt, les entreprises privées vont s'adapter également et les gouvernements vont augmenter de façon substantielle les dommages à aux victimes de harcèlement sexuel. Alors, il y a un avant et un après, en particulier dans la mentalité des Américains. Parlons un petit peu de ce que sont devenus les principaux protagonistes de notre histoire. Anita Hill, d'abord. Anita Hill est toujours professeure de droit dans une université du Massachusetts et elle dirige aussi une commission sur le harcèlement sexuel et l'égalité en emploi qui a été mise sur pied en décembre 2017 à Hollywood suite à l'affaire Weinstein. Alors, c'est elle qui préside cette commission-là. Donc, on voit bien qu'elle porte encore ce mouvement-là. Ouais. Elle est encore très active là, dans son milieu communautaire. Le juge Thomas siège toujours à la Cour suprême des États-Unis au moment où on se parle. Ça ne l'a jamais donc rattrapé, cette affaire-là. Non, et c'est encore plus particulier dans la mesure où depuis qu'il est à la Cour suprême, il y a eu d'autres femmes, dont des avocates, qui se sont plaintes de son comportement déplacé sur les questions sexuelles. Ces affaires n'ont jamais été plus loin. Et il faut rappeler aussi que, en plus d'Anita Hill, il y a trois autres femmes qui avaient voulu témoigner des agissements de Thomas et Biden finalement avait dit « on n'a pas le temps, c'est pas important ». Donc, Anita Hill n'était pas la seule et n'est toujours pas la seule parce qu'il y aurait des rumeurs persistantes sur le comportement actuel de Thomas. Karine Prémont, professeur à l'École de politique appliquée de l'Université de Sherbrooke. Toujours un plaisir. Merci beaucoup, Karine. Merci. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.